Paleson bleu par Arnaud Fontaine. Chapitre 1er. Semper in fluctibus. À l'aéroport où assis Charles de Gaulle, Victor Poisil d'Avron sentit une étrange tension lui nouer la poitrine. Une appréhension sourde, presque imperceptible, se mêlait au soulagement d'avoir traversé l'Atlantique. Après 5 années passées au prestigieux MIT dans le Massachusetts, ce retour en France avait un goût d'entre-deux, comme une escale imprévue dans une vie qu'il croyait déjà tracée ailleurs. La voix mécanique des annonces de vol résonnait dans les couloirs, se mêlant avec le martèlement des pas pressés et le brouhaha polyglotte des voyageurs. Une odeur de café trop amer flottait dans l'air, mêlée au parfum discret des duty-free et à l'effluve de fatigue propre aux grands aéroports. À mesure qu'il avançait vers le tapis des bagages, Victor laissait son regard glisser sur la foule disparate. Des familles s'embrassaient dans des effusions de joie, des amis s'étreignaient, des inconnus attendaient des pancartes à la main. Il s'arrêta un instant, valise en main, pour observer ses retrouvailles. Une chaleur familière, presque inconsciente, monta en lui avant de s'éteindre, étouffée par une pointe d'amertume. Ici, personne ne l'attendait avec des cris de bonheur ou des larmes de soulagement. Juste un chauffeur à l'allure impeccable, surgissant à la sortie avec une discrétion mesurée, tenant une pancarte sobre, « Monsieur Poisil d'Avron ». Un rappel brutal de cette vie réglée et distante qu'il avait laissée derrière lui. Le trajet en BTC fut silencieux, rythmé par le ronronnement du moteur et le froissement discret des essuie-glaces sur le pare-brise. Par la vitre, Victor fixait le paysage, cherchant sans y parvenir à apaiser le tumulte de ses pensées. Les immeubles grisâtres de la banlieue parisienne défilaient comme des ombres, bientôt remplacés par les silhouettes familières de champs vallonnés et de bosquets qui bordaient la route menant à Avron. L'apparition des premières collines, baignées par une lumière dorée d'après-midi, provoqua en lui une réaction qu'il n'avait pas anticipée. Un pincement, doux amer, là où il pensait ne plus rien ressentir. Ces lieux, qu'il avait si souvent parcourus enfant, s'insinuaient en lui avec une insistance presque douloureuse. Il ferma les yeux et prit une longue inspiration, comme pour chasser ce souvenir importun. Ce retour, il le savait, n'avait rien d'un pèlerinage. Fils unique d'une lignée dont les racines remontaient jusqu'à l'époque des croisades, Victor avançait sur l'imposante allée centrale qui menait au château familial. Il avait choisi de parcourir à pied les derniers mètres, ses pas résonnant sur les pavés irréguliers bordés de vieux chênes majestueux et de statues moussues, témoins silencieux d'un passé glorieux. Le poids des siècles semblait imprégner l'atmosphère, chaque détail de ce décor évoquant la richesse et la mémoire de sa famille. Les statues mousseuses semblaient l'observer, presque accusatrices, comme pour lui rappeler qu'ici, chaque pierre portait le poids des attentes. Bien que simplement vêtu d'une tenue décontractée, adaptée à son long voyage depuis le Massachusetts, Victor d'Avron dégageait une élégance naturelle. Son allure, calme et discrètement assurée, contrastait avec son visage rond et juvénile, encadré de boucles blondes. Ses traits, empreints de douceur, évoquaient les angelots des fresques de Michel-Ange. Mais cette impression était subtilement contredite par des pommettes hautes et une mâchoire marquée. 3 fossettes profondes, rappelant celles de Kirk Douglas, lui conféraient une aura intrigante, mélange de candeur et de détermination. Le jeune comte incarnait une dualité frappante. Son air faussement enfantin, renforcé par un teint frais et des yeux bleu clair, contrastait avec la maturité qui émanait de son regard réfléchi et de sa posture mesurée. Sa voix douce et claire, quoique un peu précipitée, ajoutait à cette impression d'un homme en perpétuel mouvement, habité par un monde intérieur riche et un détachement prononcé pour les réalités matérielles. Sa silhouette svelte et élégante reflétait une vie où l'on mangeait pour vivre et non l'inverse, ainsi qu'une existence tournée vers l'intellect. Pourtant, elle trahissait aussi une certaine inappétence face aux exigences de la vie pratique. Issu d'un univers protégé et légèrement hors du temps, il avait manifestement grandi à l'écart des contingences du quotidien. de taille moyenne pour sa génération, Victor aurait pu aisément devenir un séducteur, porté par l'harmonie de ses traits et son élégance innée. Mais son dévouement aux études scientifiques et l'isolement imposé par les laboratoires l'avait tenu éloigné des plaisirs insouciants de son âge. Son exil aux États-Unis n'avait rien d'un élan pour l'aventure ou les grands espaces. Il répondait à un besoin impérieux d'échapper à un cadre familial devenu trop pesant. À présent, ses yeux bleus azur, vifs mais empreints de trouble, restaient fixés sur le château imposant qui se dressait devant lui. L'édifice austère, immuable, semblait l'observer en retour, jaugeant ce fils prodigue qui, après 5 ans d'absence, foulait à nouveau cette terre. Érigé au XVIIIe siècle, le château d'Avron imposait sa présence par son architecture austère et monumentale. Ses lignes rigides, presque martiales, trahissaient l'héritage d'un style gothique tardif enrichi de touches baroques. La façade, marquée par le passage des siècles, semblait elle-même un manifeste des valeurs de la lignée, rigueur, honneur, tradition. Plus qu'une demeure, c'était un bastion, une forteresse, dont le temps n'avait pas ébranlé les fondations, comme pour affirmer l'inflexibilité de l'histoire familiale. Victor inspira profondément, levant les yeux vers l'édifice. Il fallait un instant pour réprimer l'étreinte oppressante de ce lieu, un rappel implacable des responsabilités qu'il avait toujours cherché à fuir. En contraste, ses pensées s'échappèrent vers les souvenirs lumineux de son séjour aux États-Unis, un pays où il avait goûté pour la première fois à une liberté qu'il n'aurait jamais cru possible. Là-bas, il avait découvert l'anonymat, une forme d'existence qui le délivrait des attentes écrasantes de sa famille et des carcans d'une noblesse qu'il jugeait archaïque. Son choix d'intégrer le Massachusetts Institute of Technology plutôt que l'école polytechnique où il avait pourtant été brillamment admis et que son père rêvait de le voir rejoindre, avait marqué son premier acte de rébellion. Au MIT, il avait trouvé un univers où seule l'innovation et la pensée scientifique comptaient. Ce contraste frappant entre les murs sévères du château et les laboratoires modernes de Boston ne faisait que renforcer son sentiment d'éloignement. Ces murs, sombres et chargés d'histoire, portaient en eux le poids d'un système où l'individu se dissolvait face à l'étiquette et au devoir. Sous le ciel bas et menaçant, tout dans le château semblait figé, prisonnier d'un autre temps. Victor baissa les yeux vers son sac de voyage, un modeste vestige de son existence outre-Atlantique. Ce simple objet, empli de manuels et de carnets griffonnés, devenait pour lui un symbole fragile mais précieux de son émancipation. Face à ces murs imposants, il ressentit une tension sourde, un équilibre précaire entre l'homme qu'il avait choisi de devenir et l'héritier qu'on attendait qu'il soit ici. En haut des marches de pierre, sa mère, Valériane, attendait, droite et immobile, comme une figure de marbre sculptée dans la brume matinale. Sa longue robe sombre, d'une simplicité étudiée, s'harmonisait avec l'austérité du château. Le tissu, caressé par une brise discrète, ondulait doucement, ajoutant une touche de mouvement à cette scène figée. Ses cheveux impeccablement relevés dégageaient un visage au très fin, mais marqué par une vie de discipline et de retenue. Elle était, dans toute sa prestance, l'essence même de la noblesse qu'elle incarnait, un mélange de grâce immuable et de mélancolie insondable, comme une héroïne tragique sortie des pages d'un roman de Maupassant. Victor s'arrêta un instant au pied du perron, fixant cette silhouette qui, malgré les années et la distance, n'avait rien perdu de son aura intimidante. Il se souvenait d'elle ainsi, une présence imposante, qui semblait porter en elle tout le poids de la lignée des Poisils d'Avron, mais qui parfois laissait entrevoir des éclats de chaleur presque inattendus. En gravissant les marches, il sentit ce mélange familier d'admiration et de crainte, ce vertige singulier qu'elle suscitait toujours en lui. Sa mère ne bougea pas, mais son regard acéré descendit lentement sur lui, détaillant chaque aspect de son allure, des plis de son manteau à la fatigue visible sur ses traits. Cette inspection, méthodique et silencieuse, n'avait rien de cruel, mais elle portait la marque d'une exigence rigoureuse. Pourtant, dans ce regard scrutateur, Victor crut percevoir une lueur fugace de tendresse, comme un reflet involontaire qui s'effaça presque aussitôt. « Victor, dit-elle enfin, d'une voix basse et maîtrisée, vous êtes revenu. » Ces quelques mots, simples en apparence, portaient un poids immense. Un silence suivit, tendu mais pas hostile, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Victor hésita, scrutant le visage de sa mère, cherchant un signe d'approbation ou de reproche qui n'arriva jamais. Elle s'avança alors avec une grâce mesurée, chaque pas calculé pour ne rien perdre de son élégance innée. Lorsque leurs regards se croisèrent de près, Victor sentit une vague de souvenirs remonter en lui, des souvenirs d'enfance où cette même femme lui apprenait, avec patience et fermeté, à tenir son dos droit, à parler sans hésitation, à porter le nom de leur famille avec dignité. Aujourd'hui encore, il avait l'impression d'être ce garçon scruté et corrigé, et non cet homme adulte qui revenait avec des certitudes vacillantes. Elle posa doucement une main gantée sur son bras, un geste empreint de retenue mais aussi d'une autorité qu'il ne pouvait ignorer. Puis elle l'embrassa sur la joue, un contact léger, presque évanescent, mais chargé d'un symbolisme profond. Ce baiser n'était pas une marque d'affection, mais une déclaration silencieuse. Il était de retour, dans un monde régi par des codes qu'il avait tenté de fuir. « Votre père vous attend, » ajouta-t-elle en retirant sa main avec élégance. « Il a beaucoup insisté pour que vous veniez. » Et, elle marqua une pause, baissant légèrement les yeux avant de les relever pour accrocher les siens. « Il n'est plus l'homme que vous avez laissé derrière vous. » Victor sentit une pointe de culpabilité le transpercer à ces mots. Il tenta de formuler une réponse, mais le regard intense de sa mère, mélange de reproche et de résignation, scella ses lèvres. « J'imagine que vous avez beaucoup de choses à lui dire, » reprit-elle, sa voix légèrement plus douce. « Mais soyez prudent, Victor. Votre père, » elle hésita, comme si les mots eux-mêmes lui coûtaient. « Il n'est pas seulement malade. Il est inquiet. Pour tout. Pour le domaine, pour vous. Ces dernières années ont été difficiles, et il ne le montre pas toujours, mais il a besoin de savoir que vous comprenez. » Ce dernier mot résonna étrangement dans l'esprit de Victor. Comprendre. Oui, mais comprendre quoi? Le poids de ce qu'il avait fui? L'attente tacite qu'il enchaînait à un destin qu'il refusait d'accepter? Il hocha la tête, presque mécaniquement, mais il savait qu'il n'avait pas encore toutes les réponses. « Vous avez changé, Victor, » dit-elle soudain, brisant le silence. « Mais pas autant que vous le pensez. Ce château, cette famille, tout cela ne vous a jamais quitté, même là-bas, en Amérique. » Elle tourna alors légèrement la tête vers le grand portail de fer forgé qu'il avait franchi quelques instants plus tôt. « Nous avons attendu ce moment, même si nous n'osions plus l'espérer. » Et maintenant vous êtes ici. Cela doit signifier quelque chose. » Victor sentit un poids invisible s'abattre sur lui. Ce retour qu'il avait envisagé comme une formalité prenait une dimension bien plus vaste et bien plus complexe qu'il ne l'avait anticipé. Il observa sa mère, cette femme forte, cette gardienne silencieuse de l'héritage familial. Il comprit qu'elle aussi portait ce fardeau, bien qu'elle n'en parle jamais directement. « Merci, mère, » dit-il simplement, en serrant brièvement son bras. Elle lui adressa un sourire infime, avant de se détourner pour rentrer dans le château, le laissant seul un instant avec ses pensées. Victor inspira profondément, tentant d'apaiser la vague de souvenirs et d'émotions qui l'envahissaient. Quelques secondes suffirent à sa mère pour réapparaître à ses côtés, droite et impassible comme à son habitude. À ses côtés, il monta les marches comme un condamné à l'échafaud, chaque pas résonnant dans le silence solennel du perron. La voix mesurée de Valériane rompit alors ce mutisme pesant, douce, mais lourde de sous-entendu. Ton père est stable pour le moment, mais le médecin est catégorique. Il ne pourra pas se permettre un autre incident de ce genre. Les dernières semaines ont été éprouvantes pour lui et pour nous tous. Elle inspira profondément, son regard fixé droit devant elle, comme pour masquer l'émotion qui menaçait de fissurer son masque. « Est-ce lié à ses affaires ?» demanda Victor, son regard bleu azur brillant d'une inquiétude sincère. « Pas seulement, » répondit-elle d'un ton plus sec. « Il a refusé de suivre les recommandations du médecin pendant trop longtemps. » « Tu le connais ? Il n'écoute personne. » « Et les pressions des derniers mois ?» Elle s'interrompit, comme si poursuivre était trop douloureux. « Enfin, ces sujets pourront attendre. Je voulais te voir d'abord avant que tu montes le voir. » Victor, malgré lui, sentit un frisson de culpabilité. Il n'avait pas été là pour partager ses pressions, ni pour alléger le fardeau qui semblait peser lourdement sur sa mère. « Je suis désolé, maman. » dit-il sincèrement, « je n'ai pas mesuré tout ça. » Elle posa une main légère sur son bras, un geste rare chez elle, empreint d'une tendresse discrète. Ce contact fugace disait ce que ses mots ne parvenaient pas à exprimer. « Ne t'excuse pas. Ton père et moi avons fait nos choix, et toi, tu avais les tiens. Tu es ici, c'est tout ce qui compte. Mais sache une chose, Victor, il t'a attendu. » Il ne l'admettra jamais, mais il voulait te voir. Même avant cet incident. Ils pénétrèrent ensemble dans le vestibule du château, leurs pas résonnant sur le marbre glacé. Le silence solennel de l'intérieur n'était troublé que par le tic-tac d'une horloge ancienne, dont chaque battement semblait marquer l'intemporalité de cette demeure. Valériane s'arrêta au pied de l'escalier, hésitant un instant. Elle le laissa monter seul, ses yeux le suivant tandis qu'il s'éloignait lentement, pas après pas, sur les marches usées. Son cœur, alourdi par l'appréhension, oscillait entre le bonheur discret de le voir là et la crainte de ce que pourraient être les retrouvailles entre les deux hommes de sa vie. Victor entra dans la chambre avec la sensation de franchir une frontière invisible. L'atmosphère semblait saturée d'une gravité presque palpable, comme si les murs eux-mêmes chuchotaient des histoires d'honneur et de devoirs oubliés. La silhouette de son père, semi-redressée sur des oreillers amassés pour le soutenir, semblait pourtant dominer tout l'espace. La lumière douce des abat-jours révélait les traits émaciés de son visage, mais son regard, vif et intransigeant, transperça Victor dès qu'il posa les yeux sur lui. Le marquis Armand Poisil d'Avron était un homme que la maladie avait affaibli sans parvenir à le diminuer. Malgré la convalescence, sa présence imposait toujours le respect. Son visage, carré et puissant, portait l'empreinte de générations d'hommes marquées par le poids de leurs responsabilités. Ses lèvres charnues et son nez bourbonien, au crochu caractéristique, accentuaient la dureté de ses traits, adoucis seulement par la lumière tamisée qui glissait sur ses joues étonnamment lisses, comme épargnée par le temps. Sa chevelure grisonnante, dense malgré une calvitie naissante, renforçait son air de patriarche, tandis que sa posture semi-assise, à l'aide des oreillers, trahissait une fatigue qu'il s'efforçait de masquer. Près de la table de chevet, appuyée contre une armoire normande, se trouvait sa canne. Bien qu'il ne puisse plus s'en servir pour marcher, elle était là, témoin muet de sa condition physique autant que de l'autorité qu'il exerçait encore sur tout ce qui l'entourait. « Vous voilà enfin !» dit le marquis d'un ton faible, mais où subsistait une autorité indéniable. « Approchez !» Victor obéit, s'asseyant dans le fauteuil placé près du lit. Pendant un moment, il hésita à parler, comme si chaque mot pouvait réveiller quelque tempête. Il savait que ce qu'il allait dire serait un choc, mais il s'était promis de ne pas reculer, pas cette fois. « Père, » commença-t-il, cherchant ses mots, « comment vous sentez-vous ? » Le marquis haussa légèrement les épaules, un sourire ironique étirant ses lèvres pleines. « Comme un vieil arbre que l'on a coupé à moitié, » répondit-il avec un ton acerbe. « Je tiens encore debout, mais pour combien de temps ? Cela dépend peut-être de vous. » Victor sentit la pique, mais il fit un effort pour rester impassible. Il se pencha légèrement en avant, cherchant à capter le regard de son père. « J'ai pris le premier avion en apprenant votre état, » dit-il. « J'ai laissé tout en plan. Vous savez que je ne serais pas ici si ce n'était pas important pour moi. »« Tout en plan, vraiment ?» demanda Armand, levant un sourcil sceptique. « Et qu'avez-vous laissé exactement, Victor ? Ce laboratoire, ces projets, ou bien ce fameux poste chez Dupont de Nemours dont votre mère m'a vaguement parlé ?» Il plissa les yeux, le fixant comme pour percer son esprit. « Est-ce pour cela que vous êtes ici, pour annoncer que vous partez ?» Victor sentit son cœur se serrer. Bien sûr, il s'attendait à ce que son père aborde le sujet, mais il n'imaginait pas qu'il irait droit au but avec une telle précision. Il détourna les yeux, fixant un instant la fenêtre où les rideaux bougeaient faiblement sous l'effet d'une brise lointaine. « Je voulais en parler, » commença-t-il, la voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. « Dupont de Nemours m'a fait une proposition exceptionnelle. C'est une opportunité que je ne peux pas ignorer. Vous savez à quel point j'ai travaillé dur pour en arriver là. » Le silence qui suivit fut lourd, presque oppressant. Le marquis ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec une lenteur calculée. « Une opportunité, » murmura-t-il, comme s'il goûtait le mot et en analysait l'amertume. « Et que devient notre nom dans cette opportunité ? Que devient ce château, cette famille, tout ce que vos ancêtres ont bâti pour que vous puissiez un jour vous tenir debout ici ? Ou bien faut-il considérer cela comme une trahison de tout ce que nous représentons ?» Le mot frappa Victor comme une gifle. Une révolte qu'il croyait apaisée s'éveilla en lui, mais il tâcha de la maîtriser. « Père, ce n'est pas une question d'abandonner quoi que ce soit, » répondit-il en maîtrisant sa voix. « C'est une question de choisir ma vie. Vous savez ce que représente pour moi la science. Ce poste, c'est l'aboutissement de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Cela n'efface pas ce que je ressens pour notre histoire, mais... Mais quoi ?» l'interrompit le marquis, sa voix soudain plus ferme. « Vous pensez qu'il suffit de tourner la page ? Vous croyez pouvoir partir, vivre votre vie et laisser à un autre le fardeau que vous refusez de porter ? Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. » Il se redressa avec effort, son regard impitoyable plongeant dans celui de son fils. Mais derrière cette dureté apparente, Victor distingua une faiblesse nouvelle, presque imperceptible, une peur, un doute. « Vous croyez que je n'ai jamais rêvé d'autre chose ?» poursuivit Armand, sa voix vibrant d'émotion. « Vous pensez que cette vie a toujours été mon choix ? Mais je suis resté, pas par facilité, mais par nécessité. Nous avons un devoir, Victor, un devoir envers ceux qui sont venus avant nous, et ceux qui viendront après. » Victor voulut répondre, mais les mots lui manquèrent. Pour la première fois, il comprit l'ampleur du poids que son père avait porté. Ce n'était pas seulement une charge matérielle, mais une responsabilité écrasante, presque inhumaine. « Père, je ne veux pas vous décevoir, » murmura-t-il, « mais ce que vous me demandez, c'est de renoncer à ce que je suis. » Armand d'Avron secoua la tête et désigna le blason familial au-dessus de la cheminée. « Ce que vous êtes, Victor, ce n'est pas seulement ce que vous avez accompli. Regardez ce blason. Le saumon qui y figure représente la résilience, la ténacité. Il remonte les courants les plus violents, non parce que c'est facile, mais parce que c'est sa nature. Comme lui, nous avançons même contre les flots. Cet héritage est en vous, qu'importe vos choix. » Il marqua une pause, laissant ses paroles s'enraciner avant de reprendre, plus solennel encore. « Le champ d'azur, ce bleu profond, symbolise la fidélité et la constance. Et ce poisson, ce saumon, ce n'est pas qu'un symbole de résilience. Il remonte inlassablement les courants, affrontant les rapides et les cascades, pour retourner là où tout a commencé. C'est un rappel, là où le chemin est le plus ardu, là se trouve notre devoir. » Il fixa Victor avec intensité, comme pour s'assurer que ses mots atteignaient leur cible. « Vous vous souvenez de notre devise, n'est-ce pas ?» Victor hocha lentement la tête, les mots gravés dans sa mémoire remontant à la surface comme une mélodie oubliée. « Semper in fluctibus erectus, » murmura-t-il, « toujours debout dans les flots. »« Exactement, » répondit Armand d'une voix ferme. « C'est ce que nous sommes, Victor, des hommes debout, même dans les tempêtes. Vous pensez que j'ai traversé ma vie sans doute, sans épreuve, que vos ancêtres, même les plus téméraires, n'ont pas connu la peur ? Bien sûr qu'ils l'ont connue, mais ils ont tenu bon, parce qu'ils savaient que nous ne nous appartenons pas, pas moi, pas vous, pas ceux qui viendront après nous. Victor détourna le regard, tiraillé entre colère et honte. « Père, murmura-t-il enfin, presque à contre-cœur, vous me demandez de renoncer à tout ce pour quoi j'ai travaillé si dur ces 5 dernières années. » Le marquis répondit avec un sourire amer. « Non, Victor. Ce que vous êtes est inséparable de ce que nous sommes. Ce château, ce nom, ce sang, ils sont en vous. Regardez notre blason. Souvenez-vous de notre devise. Nous ne plions pas. Alors, debout, vous tiendrez. » Victor baissa les yeux, troublé. Ces mots, cette symbolique, lui semblaient soudain inéluctables. Le poisson, ce simple motif héraldique, prenait une dimension qu'il n'avait jamais envisagée. Ce petit animal obstiné, avançant contre les courants, devenait l'image même de son dilemme. Il tenta de protester, mais les mots lui manquèrent. Le marquis reprit d'un ton plus calme, mais tout aussi implacable. « Ce que vous êtes, Victor, c'est un poisil d'Avron. Cela dépasse tout le reste. Aujourd'hui, vous portez un titre de comte, mais bientôt vous serez marquis, comme moi, comme ceux avant moi. Ce n'est pas un simple privilège, c'est une charge. » Vous êtes l'héritier d'une noblesse forgée dans la bataille et l'honneur. » Il marqua une brève pause, son regard se durcissant encore. « Et dans ce monde en déliquescence, rien n'a plus de prix que l'honneur, mon fils. » Victor sentit un frisson le parcourir. Ces mots, entendus des dizaines de fois dans son enfance, résonnaient cette fois avec une gravité qu'il ne pouvait plus ignorer. Un silence tendu s'installa. Le poids de l'héritage, symbolisé par ce blason, semblait écraser Victor. Sa voix, tremblante, finit par briser le silence. « Peut-être, peut-être que je peux trouver un compromis, » murmura-t-il, presque malgré lui. Le sourire du marquis s'élargit légèrement, mais ce n'était pas un sourire de triomphe. C'était un sourire de reconnaissance, d'une satisfaction retenue. Il savait que Victor commençait à fléchir, que la graine de la responsabilité avait germé en lui.